Ça va qu'on est coupé, mais coupé, coupé, doué. Ça avec une belle fille, non, ou pas besoin de perdre ton bois, petit chéri. Je vous aime, oui. On pas déjà parlé pour vous, ou déjà tout là. Exemple, Marie sont dans le travail. Pour Marie, elle rentre dans la cage, elle joue, elle rentre à manger. Elle finit de virer, elle ne sent pas dire, elle ne voit pas dire. Elle fait qu'elle mourir pour faire ça. Bon, l'autre série fait même, si on fait une journée avec Marie, pour Marie, elle ne fout pas de calotte, elle ne va pas prêter avec les gens. Bon, l'autre série même, ça le remet. Il remet par exemple, pour Marie, lever comme matin, pour le battre. Pour le battre dans le goût Jésus. Et puis, pour Marie, elle a le travail, il met pour le marron qu'on pourrait soutenir. Il met des pyjamas dans la souris, il met des vieux souris dans la pied. Alors, pour ne pas être dans la galerie, pour le voisin, il a dit voisin, sortez là. Et puis, son plaisir pour lui pour répondre, pour le dire. Papa, mon cher, qui sont pour enfracher les moins. Bon. L'autre jour, enfin, pas pour qui l'autre jour, quand on monte tape tant de mieux. Tout le fils qui a tant de mieux. Mon défi pour lancer là. L'infini baille question. C'est pour nous ne pas répondre. Non, c'est pas ça. Ma bat nous 200 dollars. Si nous disons ça va vrai, ma bat nous 200 dollars. Quand tout le fils qui a coûté là. Pas mon fils là qui vous dit moi. Il va jouer yo-yo. Ah, mais question. Je ne pas ça dit pour pas qu'on joue yo-yo. Parce que yo-yo a son petit jouet. Petit jouet qui douce. Ou prend ficelle là. Ou marrer là yo-yo. Ça t'en dit. Oui. Allez monter. descendre. Pour monter, filer, descendre. Ou l'autre paume à gauche, à droite, ou rebouton l'envoi. En l'air, en bas. Oh, non, retez, retez. Allons pas qu'on est ici, y'a un sac passé, jouer la vie toi douce. Puis elle l'a cassé, son endéa. Mamzelle, pas qu'elle l'autre bagaille pour dire. Oui, prévois, prévois, retez, retez, retez, retez, retez. Par aller, pas bouger. C'est mes comptes qui m'enlèvent, ma pfe. Oui. Allez, monter, visser le sang. Allez, monter, visser le sang. Allez, monter, visser le sang. Allez, monter, visser le sang. Allez, monter, visser le sang. Allez, monter, visser le sang. Allez, monter, visser le sang. Jazz à son yo. Continent.